Tous les matins, penché sur ton bureau, tu prends l'avion, le train ou le bateau. Vienne ou Pékin, tu rejoins tes héros. Au bout de ton stylo, roman voyage, tu t'enfuis sur la page. Autour du monde et moi, je reste en cage. Au roman mystère, la victime a souffert. Pas autant que mes nerfs. Écrire, écrire, tu me tournes le dos. Tu plonges dans tes bouquins comme un dauphin dans l'eau. Écrire, écrire, je te sers un porto. Tu ne vois pas ma main, tu quittes Santiago. Près de moi, tu es loin. J'en vis tous les matins les femmes de marin. Tous les matins, tu te lèves à 7 heures. Vite un café, déjà la tête ailleurs. Tu prends un bain de minuit à Honfleur. Près d'une jeune fille en fleurs. Roman d'amour où tu passes tes jours. Je n'y suis pas, même si mes bras t'entourent. Roman bonheur qui te remplit le cœur. Le mien attend des heures. Écrire, écrire, tu me tournes le dos. Tu plonges dans tes bouquins comme un dauphin dans l'eau. Écrire, écrire, je veux te dire un mot. Mais tu n'entends plus rien au fin fond du Congo. Près de moi, tu es loin. J'en vis tous les matins les femmes de marin. Demain matin, je m'en irai très tôt. Prendre l'avion, le train ou le bateau. Vienne ou Pékin, je rejoins tes héros. Je t'enverrai un mot. Écrire, écrire, sous un ciel d'indigo. Une carte postale et se tremper dans l'eau. Écrire, écrire, et se cuivrer le dos. Je t'assure, on est bien, tu devrais faire un saut. Oublie ta plume et viens. Je n'ai pas la vertu des femmes marins.